Vierge, Vierge, ne pleurez pas. Celui qui garde le foyer inextinguible a recueilli ses vœux. Vous aurez vos couronnes en mangeant le doux fruit de vie d'entre les lèvres de la mort. Il n'y a pas d'autre douceur, je vous le dis. Ô archer, archer sans merci, et tu les prends, et tu les prends. Je sais, je traîne à mes épaules une grappe lourde de vie condamnée. Archer, repais-toi. Ô fécondité lamentable, la mort, de toutes parts la mort, l'amour, de toutes parts l'affronte. C'est moi qui vous traîne, fille. C'est moi. Il ne tue pas, il vivifie. Qu'il te souvienne de la veuve de Tibur qui par fer et feu criait « Mes enfants, regardez en haut, combattez pour vos âmes, la mort est vie. » Non, nous ne voulons pas mourir. Aie pitié de notre jeunesse. Oh, laisse-nous à la lumière. Notre amour est crucifié, sois avec elle. Je viens, je suis à vous. Je suis à vous, me voici prête, mes fils. J'entends le battement de vos cœurs. Mes fils, je vous porte. Je suis chargée de vos deux poids. Où faut-il monter? Où faut-il descendre? Je saurai sourire. Je saurai chanter. Me voici. J'ai votre faim. J'ai votre soif. Homme, je confesse le Christ. Je suis chrétienne. Qu'on me lie, qu'on me frappe, je sais souffrir, je veux mourir. Gloire au Christ roi. Sébastien, ami d'Auguste, tu travailles pour le pressoir. Tu travailles pour le charnier. Puisque tout est dit maintenant, qu'on les tourmente. Suspendez-la entre ses gémeaux, au sommet de l'arcade, par une seule main. Oui, tuez. On étouffe! Andronique, il faut un carnage! Archer de la vie, je bénis ton œil, ta main, ton arc, tes prix. Oh, chef! Chef! Tu nous as trahis! Tu nous as trahis! Puisqu'il est maintenant marqué à la paume comme à la ronde, qu'on tranche aussi ses pouces! Sébastien porte le premier stigmate! Oui! Il porte un autre stigmate! Il est traître! Attisez les charbons! Soufflez! Appariteur, soufflez! Soufflez! Attisez le charbon! Qui donc? Le premier foulera la braise! Voyez! Voyez, une des vierges voilées va rejoindre sa mère! Elle veut se perdre! Et puis, homme, sois loué devant l'Éternel! Oh, Flavie! Voilà la seconde! Sois loué par le cœur des anges, oh, Flavie! Elles étaient belles comme les yeux sont beaux avant de pleurer. C'est toi, oui, c'est toi, Sébastien, qui les enchante, qui les enivre. Il est très beau. Regardez-le. Regardez-le. Et la troisième se détache et suit les autres. Sois loué par les trônes et les ardeurs. Chienne, Oni, sois la chienne et toute sa portée. Jetez-les dehors. Ah, il pue. Au tourment. La braise est à froid. Qui donc le premier foulera la braise vive? Moi, le premier. Silence. Silence. Silence. Chef, tu ne peux pas qu'on l'empêche. Qu'on l'empêche de se livrer à son délire. Archer des mèzes, je le ferai. Tu ne peux pas. Archer, si jamais vous m'ématez, je le ferai. Tant que tu portes à ton poing l'arc des mèzes garni d'ivoire, ô Sébastien trépide, chef à la belle chevelure, tu ne peux pas. Oh, Sanaé, voici mon arc. Je le serre dans cette main que personne invisible cloue. Or, toi, Sanaé, considère la figure de l'arc, archer, puisque tu es marqué par Dieu qui t'a fait les deux yeux d'hiver, l'un bleu, l'autre noir, comme jour et nuit. Oui, regarde, cet arc figure la Trinité Sainte, le fût est le Père, la corde est l'Esprit, la flèche empennée est le Fils qui donna son sang, et il n'y aura plus de tâche, sauf la tache du sang tombée des mains et des pieds du Seigneur. Or, cet arc, je te le commets, mais je veux lancer ma dernière flèche, ô élu de la cohorte des Mèzes. À qui ? À qui ? À qui ? Écartez-vous ! Qui va-t-il viser ? On y garde. Archer Véron, ôte-lui l'arc ! Sois loué par tous les archanges, ô Thérésie. Si je suis digne de servir ton fils, le martyr des martyrs, si j'ai reçu du Christ, Seigneur, ce stigmate de sa douleur dans ma main qui en est plus forte. Adonai, Dieu des cordes invincibles, exauce, exauce cette prière qui s'aiguise au fer du dernier trait. Je vise. Mon Dieu, je te demande un signe si je suis digne. On ne voit plus la flèche. Si, je la vois! Je la vois! Oui! Elle va très haut! Très haut! Disparaît! On ne la voit plus! Attendez! Silence! Elle va retomber! Attendez! Silence! Silence! Non, elle ne retombe pas! La flèche ne retombe pas! Rien ne retombe! Gloire au Christ roi! Et maintenant je me désarme. Je suis l'archer certain du but. Sanaé, voici. Je suis libre. Souvenez-vous, je suis la cible. Souvenez-vous de ce terrible espoir. Et que je serai digne de demander à Dieu des signes plus éclatants. Des chaînes qui se brisent. Mes frères, j'entends la mélodie du Saint Combat. Le cœur divin des sept fléaux. L'annonciation des astres. Et la marche du nouveau Dieu à côté de l'homme nouveau. Vite, avec des soufflets de forge. Agenouillez-vous et poussez vos haleines. Oh, vous, archers, si jamais vous m'aimâtes, que votre amour je le connaisse enfin à mesure de feu. Ôtez-moi grèves et cuissards, genouillères et solerets. que je sois nu-pied, nu-jambe, comme le vendangeur agile qui s'apprête à fouler les grappes rouges dans la cuve fumante. Je danserai plus haut que la flamme. Cette fois plus haut, je vous le dis. Miracle ! Miracle ! L'aveugle ! L'aveugle ! Miracle ! Miracle ! Écartez-vous ! Alcée, la muette ! Tu es saint. Tu es saint. Je parle. Je te rends grâce. Tu es saint. Tu es saint. Je vois. Je te rends grâce. Miracle. Miracle. Miracle. Oh, guérisseur. Libérateur. Tu prévaudras. La rosée du Seigneur, et nus mes genoux pour l'alternance merveilleuse. Et vous, Gémeaux, chantez une hymne qui arde jusqu'à leurs oreilles scellées, jusqu'à leurs cœurs inertes. Frères, que serait-il le monde allégé de tout notre amour ? Oh, doux miracle ! Doux miracle ! L'hélice. Je t'aime, roi. C'est comme si j'avais une âme faite avec des feuilles de saule, comme si mes veines étaient faites de musique et d'or. C'est comme si je secouais un givre de toile sonore. Je t'aime, roi. Oh, j'entends venir un autre chant. J'entends les sept luttes éternelles. Les lys font toute la lumière. Ils font toute la mélodie. Vous les fauchez et ils renaissent. Vous les brisez. Ils sont debout. Ils ont la tige impérissable. Voyez, voyez, ils me regardent comme des anges couverts Dieu pour l'épouvante.